Ce serait con de s'en vanter, mais faut pas se mentir. Tu vois le délire, mec? Je m'arrête pas d'écrire. Yeah, ok. Ce serait con de s'en vanter, mais faut pas se mentir. La rue, j'en ai pris l'accent tout un temps. Depuis infuse n'est plus la science. J'apprends vite quand j'y mets le cœur pour ma passion. Je reste attentif et concentré car volonté rime avec patience. J'appelle l'action, j'fume de trop, je me pavane. Je rêve de filles de vacances, visiter le monde de New York à Brazzaville. Faire le touriste, j'tape ma petite balade à Paris. J'dis vague, mais c'est une vie de malade que j'analyse. Genre, j'détermine un point sur la carte, puis j'm'y arrache. Puis bagage, prêt à partir pour un big voyage enfin. Dire bye bye à cette routine. J'me dis qu'il y a qu'une fois que je serai loin que je trouverai le sourire, vu que je ressens ce besoin de m'échapper, frère. Face à mon quotidien, je soupire, faut des roupies pour changer d'air. Donc je m'adapte et travaille, m'attarde à mettre de côté pour un jour me barrer vivre sur la côte. Je m'acharne à pas trop me doper à la drogue, juste à la musique. Je vais pas en cours pour bosser sur l'album, l'on me foutre le cafard à mort. Ici ça taffe en silence, laissant le succès se charger du Capharnaüm. Yeah. L'envie de m'échapper et tu le ressens dans chaque texte. En guise de voyage, un bout de papier, un big, c'est ça que j'ai. C'est ça que j'aime, c'est ça que je fais, c'est là que je m'exprime. Quand je veux me tirer d'ici, sans yébi, c'est ma presqu'île. Et ça me prescrit un bonheur fou quand la rime se manifeste. T'as pas idée, j'suis comme un gars de cité qui verrait Marine Dead. Un tas de vipères dans la matrice, elle zoue. J'suis attristé par la vitesse à laquelle le petit Pierre pousse. Mais comme un scuddy, je laisse tourner le truc. Dans la vie, pas de backspin, donc la street l'a mis. J'évite d'y jouer le dur. J'veux garder toutes mes plumes avant de m'échouer, brûler au soleil avec des gouttes des thunes et cocktails dans de l'eau claire. Mais sans bosser, sans se donner, j'te promets qu'à part en grattant le bon ticket, tes beaux rêves s'estomperaient. Bref, me gratter les couilles, j'laisse tomber. Y'a que le travail qui paye, des vacances à long terme. C'est qu'un freestyle de plus, on mitraille. Le truc rêverait de vivre de la musique car on kiffe ça. J'te jure, quand ton kickman recule, ou tu die, t'as pas idée. J'ai mon rap comme Booba, aime la vanité. C'est qu'un freestyle de plus, on mitraille. Le truc rêverait de vivre de la musique car on kiffe ça. J'te jure, quand ton kickman recule, ou tu die, t'as pas idée. J'ai mon rap comme Booba, aime la vanité.